Et bonjour à tous, bienvenue sur la Fadjet 94.2. Vous pouvez aussi nous écouter sur fadjet.net. Et voici tout de suite l'histoire d'en parler. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer avec un programme assez spécial. Nous allons parler avec Antoine de la Lorraine. Bonjour Antoine. Bonjour Mickaël. Stanislas, toi, tu vas aller vers la Première Guerre mondiale avec Maurice Genevoix. Oui, c'est ça, oui. Et nous sommes en compagnie de deux stagiaires en troisième, de Paul et de Elsa. Antoine, c'est avec toi que l'on commence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la région Lorraine ? Eh bien, je vais commencer tout de suite. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va directement démarrer par un petit historique sur le découpage administratif français. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais le 1er janvier 2016, s'est opérée la fusion des régions. Donc étant signé de cette région, de l'union de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, on a eu la région Grand Est. Donc si on s'attarde un instant sur le cas de l'ancienne Lorraine qui aura vécu pile 60 ans depuis sa création en 1956, cette dernière est composée de quatre départements, qui sont la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges, qui de leur côté existent depuis 1790. Parce que il faut savoir que la création des départements, c'est le fruit de l'Assemblée constituante de 1789, qui souhaite mettre fin à l'ancien système de province, pardon, dans une dynamique de suppression des privilèges. Mais l'ancienne province, du coup, qui répond au doux nom de grand gouvernement de Lorraine et Barrois et qui intègre à cette époque les Ardennes, n'existe déjà que depuis 1766, donc elle est toute jeune quand elle est transformée en département. Donc c'est la date à laquelle, 1766, les duchés de Lorraine et du Bar rentrent vraiment sous le giron français, ce qui fait d'ailleurs de ces deux duchés parmi les plus tardives provinces à intégrer le royaume. Donc si vous le voulez bien, on va déjà revenir sur la place de ces deux duchés encore auparavant avec un petit bond dans le temps qui nous emmène au XVe siècle. Donc à cette époque, un peu à l'image de la rivalité contemporaine qu'on connaît entre Nancy et Metz et qui s'exacerbe aujourd'hui dans les stades de foot. Dont le derby a lieu prochainement. C'est hein. ça. Il existe déjà une opposition farouche du coup entre les duchés du Bar et de Lorraine. Les deux voisins du coup sont par contre cependant contraints de cesser leurs joyeuses activités guerrières lorsque il y a des problématiques de succession qui commencent à se faire sentir. Des problèmes qui se résolvent par un mariage qui voit la fille du duc de Lorraine Charles II épouser le petit-neveu du cardinal Louis de Bar. Cette alliance matrimoniale, appuyée par le traité de Fou du 20 mars 1419, vient dans les faits unir les deux territoires sous la souveraineté d'une même personne, même si théoriquement ils restent indépendants. Géographiquement, ils sont situés au carrefour de la France et du Saint-Empire, et donc ils réussissent malgré tout à négocier leur neutralité vis-à-vis de l'empereur Charles Quint, qui les déclare avec le traité de Nuremberg de 1542, libres et non incorporables. Côté français, les relations s'enveniment avec Charles IV, qui accède au pouvoir par des manipulations politiques, en épousant notamment sa cousine Nicole en 1621, quand on envisageait plutôt de la marier à Louis XIII pour intégrer la Lorraine et le Barrois par voie diplomatique. Bien conscient de s'être attiré l'animosité du roi et de son principal ministre Richelieu, Charles IV complote avec d'autres puissances, permettant ainsi en 1632 à Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, de se marier en secret avec Marguerite de Lorraine, alors même que le roi n'a pas d'héritier. Donc dans le contexte de la guerre de 30 ans qui embrase l'Europe de 1618 à 1648, la France souhaite marcher sur les possessions espagnoles, elle ne peut pas se permettre de laisser en place un personnage aussi ambivalent que Charles IV, ce qui pour faire court conduit à une occupation des duchés par la France de 1633 à 1697, année de signature des traités de Ryswick, qui restituent à Léopold Ier la Lorraine et le Barrois. Mais le mariage en 1636 de François III, fils de Léopold, avec l'archiduchesse, Fourchelangue, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est au passage l'héritière des Habsbourg, fait courir à la France le risque de se retrouver avec des possessions ennemies bien trop au cœur de son territoire. Pour cette raison, la France reconnaît la pragmatique sanction, en échange de quoi elle met la main sur les duchés, dont les habitants ne portent cependant pas la France dans leur cœur. Pour effectuer la transition, il est alors décidé de placer à la tête de la Lorraine et du Bar le roi des Chutes de Pologne et beau-père de Louis XV, Stanislas Leszczynski. Tout Nancéen connaît aujourd'hui son nom, tant le personnage est emblématique grâce à la célèbre place éponyme, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée comme l'une des plus belles du monde. Et dans les faits, du coup, Stanislas, c'est un souverain fantoche et c'est son intendant Chaumeau de la Galésière qui détient concrètement le pouvoir, ce qui fait que, en réalité, même si la France n'agit pas directement, c'est elle qui vraiment a le pouvoir sur cette zone. Donc Stanislas, pour finir, meurt le 23 février 1766, on retrouve notre chronologie, au château de Lunéville, qui au passage est le sixième plus grand château de France en termes de superficie. Et donc il meurt des suites de ses blessures causées par l'embrasement involontaire de sa robe de chambre. Anecdote amusante s'il en est lorsqu'on le rattache cette anecdote à l'actualité, puisque la Meurthe-et-Moselle a été désignée il y a maintenant quelques jours pour accueillir en 2021 le 128e congrès national des sapeurs-pompiers, qui s'il s'était tenu 250 ans plus tôt, aurait peut-être pu changer l'histoire. 255 ans plus tôt, pardon. Eh bah dis donc assez étonnant, hein. La référence entre l'histoire et un événement actuel. Mm-hmm. 255 ans, oui, ça aurait bien changé le destin de la Lorraine, c'est clair. Ah bah, est-ce que la Lorraine resterait française ou est-ce que ça deviendrait, comme le Québec, une province Une province dans un autre pays, ah, Voilà. ça, je pense qu'on le saura jamais. En tout Il faut cas, je dire vois qu'il y que a déjà le bordel dès le départ entre les deux pays. de gros problèmes d'incendie, même à Lunéville, hein, puisque le château Non, mais de toute façon, le non, Nord, ça a le toujours château été en le plus grand qui a brûlé. bordel, hein, il y a quelques années. Alors, eh ben écoute, Stanislas, toi, c'est par contre Maurice Genevoix. Oui, c'est ça. Déjà par mes études en histoire, je m'intéresse aux conflits, à ce qui a pu se passer auparavant en tout cas, et surtout en tant qu'historien, ou en tout cas en tant qu'historien amateur, parce qu'on n'y est pas encore, il faut se le dire. En effet. Et déjà, on a le temps avant d'y être. Oui, parce que, alors, je veux juste te couper, parce que je souhaite en fait annoncer à nos auditeurs qu'en fait, Antoine et Stanislas sont deux étudiants en deuxième année de licence d'histoire à l'Université de Lorraine. Oui, c'est ça, au campus Lettres, ouais. Donc de jeunes étudiants tout frais, et on nous apprend justement l'importance en fait du témoignage, d'avoir un récit important, d'avoir une bonne source. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la guerre de 1914 à 1918 au travers justement d'une seule personne, d'un seul regard. C'est celui de Maurice Genevoix, qui est un jeune homme qui entre dans la vie active, en fait, qui est en train de terminer ses études lorsque le conflit arrive en 1914, et il est conscrit, hein, comme toutes les jeunes gens de sa classe, il est forcé à entrer dans l'armée. Peu importe ses opinions, il arrive, on lui donne un uniforme et on le forme. Alors, il va être un peu mieux placé, lui, parce qu'il va avoir le rôle d'un officier, justement, et ça va lui permettre d'avoir un peu plus de temps libre par rapport aux autres, en tout cas de pouvoir développer son récit. Il arrive dès début août 1914 dans l'armée française. Grâce à son rôle d'officier, il a la possibilité donc de donner des ordres, il a une certaine liberté et un regard très particulier qui est assez marquant en fait quand on lit son livre, quand on lit c'est le recueil de ses mémoires. On peut voir donc les premiers affrontements et à chaque fois en tout cas, il essaye d'amener sa quête de l'authenticité et la quête de la vérité dans ces pages, et ça se sent en fait. C'est très très touchant de voir quelqu'un qui est en train de faire une confession à nu devant vous, et quand en plus ça prend 1000 pages, que c'est bien écrit, bien raconté, c'est vraiment très particulier. C'est un Ça se sentiment lit assez comme une unique. lettre à la poste. Complètement, oui, c'est complètement actuel, c'est très facile à lire. Le vocabulaire, j'avais un peu peur au début que le vocabulaire soit un peu compliqué à comprendre ou un peu vieille France, et c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment très très accessible. Alors, il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de livres, comme par exemple les livres de Chrétien de Troyes, qui a été à l'origine d'Excalibur, du roi Exactement. Arthur. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ils ont été traduits en français moderne. Parce que l'ancien français n'est pas du tout compris. Remis au goût du jour, par rapport. Ouais, et En ça, je pense effet. que ça en a besoin, c'est parce que si c'est ça, c'est à quelques centaines d'années, voire plus d'un millier. Ça a pratiquement près. On va dire que ça a pratiquement. On va dire dans le millénaire. Ok, On peut rien que demander ça. Un effort comme la paléographie médiévale. Oh là, oui, oh là là. Donc, Maurice Genevoix. Oui, pour revenir donc à ce cher Maurice, ce qui est très particulier en tout cas, c'est que comme il est dans l'infanterie, il est au plus près des combats, il vit des scènes assez dantesques. Parfois, c'est très particulier parce que d'une page à l'autre, on évolue entre une scène de bataille et une scène de la vie quotidienne où il est en train de discuter avec ses collègues, il est en train de jouer aux cartes, quand tout d'un coup, il y a un obus qui va éclater au-dessus de leur tête. Et on peut s'imaginer toute cette ligne de bonhomme avec un uniforme, donc un pantalon rouge vif, saillant mais complètement inadapté, avec leur capote qui est donc le nom pour la veste à l'époque, une capote gris de fer bleuté. C'est donc un bleu marine un peu plus foncé. Et ils se retrouvent tous à se mettre à couvert, à essayer de se protéger, à faire des abris de fortune, alors que c'est des paysans, c'est des comptables, c'est des bouchers, c'est des gens comme vous et moi qui sont retrouvés à s'engager sous les drapeaux. Donc très très souvent, en tout cas en 1914, avec l'envie de le faire, avec l'envie de défendre la France et en ayant conscience que c'est important, mais ils vont se retrouver au cœur des combats et c'est très touchant encore une fois à lire et à imaginer, et c'est assez difficile en tout cas pour moi de me réussir à me mettre à leur place parce que on en est très très loin déjà, on n'a pas l'impression, eux à l'époque en tout cas ils ont grandi avec l'idée que de l'autre côté du Rhin, il y avait un ennemi, qu'il fallait qu'on récupère les terres d'Alsace-Moselle, parce que c'est pas exactement l'Alsace-Lorraine quand on regarde d'un point de vue géographique, qui a été perdu en 1871. Et donc, tous les Français ont conscience qu'un jour ou l'autre, ils vont être appelés pour la Grande Guerre, pour la patrie, pour pouvoir récupérer ces territoires qui ont été perdus. Et donc, nous, en tant que Nancéiens, on est au plus près de la frontière, on est vraiment juste à côté. On est à quelques dizaines de kilomètres de l'Allemagne parce que à l'époque Metz était allemande. C'est à cette époque-là que donc tous les grands bâtiments avec cette pierre jaune un peu particulière, ont été bâtis. Et nous, en tant qu'enseignants, on vit ça. En tout cas, c'est une histoire qui nous est très très proche, et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Donc, pour revenir à Maurice, parce que j'arrête pas de digresser depuis tout à l'heure, il va donc continuer à écrire. Dès qu'il a un temps de pause, il va pouvoir raconter comment les premières tranchées se mettent en place, etc. Et quand il sort son livre, c'est un fait qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Le livre, il est censuré. Il y a des passages entiers qui sont recouverts de typex. Ils sont totalement illisibles. Et c'est le programme officiel, c'est en tout cas l'organe de censure du gouvernement, qui empêche aux Français de découvrir ce qui se passe réellement. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui décident de mettre en scène la vérité, de la travestir. Maurice Genevoix, il refuse. Il laisse son livre avec les passages en blanc. Il le publie tel quel. Et il les publie donc dès 1916, puisque pour lui, la guerre s'arrête en avril 1915, où il est blessé. Donc, dès que ses premiers livres sortent, lui, il est censuré. Il peut pas être reconnu, en tout cas, comme quelqu'un qui a fait grand-chose, parce que dès qu'il parle de quelque chose de sérieux, on refuse son témoignage, on refuse de le laisser s'exprimer. Donc, on est dans un cas vraiment unique où il y a quelqu'un qui nous dit la vérité et on ne peut pas la recevoir. Déjà parce que c'est censuré, mais en plus, je pense que à l'arrière, les civils, donc que ce soit les femmes qui sont restées ou les blessés ou les personnes trop vieilles ou trop jeunes pour aller au front, ce témoignage-là, il leur parvient pas en intégralité et on a du mal à s'imaginer que ça se passe comme ça parce que en plus de ça, les journaux mentent à l'époque, effronteusement. Tous les jours, il y a une grande Oui, il y a une bataille qui est propagande, gagnée. quoi. Complètement, complètement. Propagande étatique au service de la guerre. Ouais, c'est ça. Donc, faut mobiliser tout le monde, les consciences, les usines, etc. Et on peut pas avoir de discours qui digresse de ce discours officiel, en tout cas. Donc, dans les années 50, il va recueillir ses livres avec le nom Ceux de 14. C'est, comme je vous l'ai dit, un ouvrage de 1000 pages, mais il passe super vite. Et en tout cas, je pense que c'est intéressant pour pouvoir comprendre comment ça se passait il y a rien qu'une centaine d'années, finalement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, c'était mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Et c'est une histoire qui, je pense, mérite à gagner en postérité et mérite à être partagée. Donc, je vous invite à lire Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Merci bien. Stanislas, de nous avoir fait partager ce petit moment historique, mais à travers la littérature. Oui. Alors, nous allons tout de suite continuer l'émission avec une petite pause musicale, et ensuite, nous revenons. Yours, I can say. Et nous voici de retour sur la Fadjet 94.2 FM ou sur Fadjet.net avec l'émission Histoire d'en parler. Nous allons passer tout de suite, après cette pause musicale, à l'actu historique. Alors, avec cette actu historique, ce sera Stanislas et moi-même qui la feront. Pour moi, je vais débuter par une petite île abandonnée. En fait, c'est dans le livre Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky, une auteure allemande. En fait, j'ai été étonné de voir l'île de Saint-Paul. L'île de Saint-Paul, si vous ne la connaissez pas, en fait, elle fait 7 km², elle est inhabitée et appartient à la France. Elle se trouve en fait proche de l'île Amsterdam, vers l'île Kerguelen. Donc en fait, elle est dans les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Elle se trouve à 3010 km de l'Antarctique et à pratiquement 4300 km de l'Afrique du Sud. Pourquoi en fait je veux en parler? Parce que la première fois qu'elle est mentionnée sur une carte, c'est par les Portugais en 1559, mais c'est le 24 octobre 1892 qu'elle va être annexée par la France. Néanmoins, 20 ans avant l'annexion de l'île par la France, il s'est passé quelque chose. Un navire postal britannique, le HMS Megera, qui accoste le 18 juillet 1871, eh bien en fait, le bateau va accoster dans les jetées naturelles des blocs rocheux à l'entrée du cratère. Oui, l'île Saint-Paul est un cratère qui est submergé par l'eau. L'équipage naufragé, qui est anglais, gagne la terre où ils sont accueillis par deux Français. Originaires de l'île Bourbon, ils ne parlent pas du tout un mot d'anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'un est jeune et l'autre est vieux. Le vieux est gouverneur et il a une jambe qui est un mal en point. Le jeune, il a 5 ans de moins que le gouverneur et lui, il est en pleine forme. Le gouverneur décrit son sujet, comme il l'appelle, comme quelqu'un d'honnêtement mauvais. Mais par contre, le sujet décrit le gouverneur comme quelqu'un de très bon. Alors, ils habitent en fait une petite maisonnette où ils possèdent en fait une bibliothèque qu'avec des ouvrages français sur la seule plage qui existe sur cette petite île. Et bien entendu, leur tâche consistait en fait à surveiller 4 petits bateaux amarrés dans le cratère qui est envahi donc par la mer et à enregistrer les baleines pour les baleiniers pour un salaire mensuel de 40 francs. Mais en fait, très vite, en fait, ils s'embêtent puisque personne n'accoste. Oui, en effet. Donc, seuls les canards, les rats et les chats sauvages sont les seuls animaux comestibles sur l'île. Donc, ils mangent comme si c'était en fait des hommes retournés à l'ère préhistorique. Et hormis une sorte d'épinard, ils ne poussent que des lichens, des fougères et des broussailles sur l'île. Donc, en fait, il n'y a aucune végétation comme des arbres ou comme on connaît en France. Une fois par an, une colonie de pingouins vient nicher dans les terres, dans les rares touffes d'herbe qui pointent sur les rochers. Aujourd'hui, nous pouvons encore les voir. Et ils sont totalement inoffensifs. Ils ne sont par contre aucunement mangeables. Eh oui. Par contre, d'après ce qu'il en a été dit, c'est qu'un mulâtre était censé avoir vécu ici, jadis, avec les deux Français. Et le bon et le mauvais, donc les deux personnes, l'aurait tué, dégusté et conserverait les cendres dans la hutte que le gouverneur surveille aujourd'hui jour et nuit, même si il n'est plus vivant. Alors c'est assez étonnant, cette petite île de l'océan Indien qui est complètement paumée, mais qui a quand même une histoire plutôt assez drôle pour moi. Oui, complètement. Alors, et toi par contre, tu voulais nous parler des îles Karénines qui se trouvent au large de la Russie et qui en fait sont l'objet de convoitises entre deux nations ? Entre deux nations, entre deux pays, oui, et ça fait un bout de temps qu'ils se tirent la bourre. En fait, c'est plus exactement l'archipel des îles Kouril qui sont le sujet de disputes. Et on est dans une dispute qui a lieu maintenant depuis plus de 100 ans. Ça fait depuis 1905 et la guerre entre la Russie et le Japon que la Russie, donc les États que je viens de dire, se battent pour ces îles-là. En fait, pour résumer, si le Japon était un fruit, ce serait une banane. Au nord de celui-ci, il y a quelques îles, quelques miettes d'îles, quelques morceaux de terre qui font le lien entre le Japon et la Sibérie. Et ceux-là, en tout cas, ces petits bouts de terre-là, sont une dispute récurrente entre la Russie et le Japon, donc comme je vous ai dit, depuis 1905. Le truc particulier, c'est que depuis 1945, la question de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas encore été réglée entre les deux. Ça fait donc jusque 2005 qu'il y a eu ce conflit. Soit près de 60 ans. Ça fait 60 ans, oui, c'est ça, qu'il n'y a aucun traité qui a permis de terminer cette question-là. Et donc, les habitants, ils sont ni russes ni japonais. Ils ont le droit de circuler entre les deux sous, enfin, s'ils présentent le bon passeport. donc, on ne sait pas du tout comment, enfin, en tout cas, ils ne savaient pas du tout comment régler la question. Depuis plusieurs dizaines d'années, c'est un cas vraiment unique au monde où les États sont modernes. Il y a eu des tentatives qui ont été faites pour que, bah, même à l'époque de l'URSS, la question soit réglée. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait. C'est tout simplement au terme d'influence extérieure. Et puis, vous pouvez assez facilement imaginer que le Japon, depuis 1945, ils sont plutôt du côté OTAN, plutôt du côté américain. Mmh. Et depuis 1945, au contraire, à l'Union soviétique à l'époque, elle était complètement opposée et elle a mis tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir justement menacer ou tenter d'influer sur le vote des Japonais. Donc, c'est une question qui est réglée depuis 2005. Là, ça y est, c'est terminé. Ça a été re-signé, contre-signé dans les années après. Et ça permet tout simplement d'avoir une relation normale comme on peut avoir entre la France et l'Allemagne, mais maintenant entre le Japon et la Russie, pour pouvoir devenir des partenaires commerciaux. Donc de simples petits bouts de terre peuvent, si c'est pas réglé, devenir de grands contentieux pour des dizaines d'années. C'est un peu une métaphore qu'on peut avoir entre les relations entre humains, où il faut mettre les choses à plat pour pouvoir avancer et avoir une relation plus saine. Eh ben, écoute, au moins, ce qui est bien, c'est que on espère qu'il n'y a pas d'autres conflits de ce genre entre des îles. Quoique, il y en a eu un sous l'ère Hollande pour la France, avec l'île de Tromelin qui a failli passer en fait sous la coupe de l'île Maurice. Mais en fait, ce qui était assez drôle, c'est que l'île Maurice se situait pratiquement à près de 1000 kilomètres plus loin que l'île de Madagascar pour Tromelin, et ça a été assez drôle. Donc jusque là, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de nos autres confrères de la Fadjet sur 94.2 FM ou sur fadjet.net, et on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission histoire d'en parler. Donc merci à tous d'être venus, merci d'avoir accepté l'invitation, et bon bah très bonne année 2019 à tous. Merci Mickaël. Merci. Et voilà, bah écoutez, soyez prudents sur la route et passez d'excellentes journées.